Chapitre 8. La maison de Chateaubriand. Paysage qui l'embrassait de sa fenêtre. Le cimetière, l'église. La vie de l'auteur de l'essai à Beccles d'après le chapitre aux infortunés. Ses veillées solitaires, à quoi il les occupe, sa fièvre de travail jusque dans les heures les plus avancées de la nuit, partie de son œuvre qu'on peut, selon toute vraisemblance, attribuer au séjour de Beccles. Misérable demeure serait peut-être beaucoup dire s'il n'avait dû y vivre dans le continuel sentiment de sa solitude et de son exil. D'après Wilton Ricks, Chateaubriand occupa successivement deux chambres. Celle qu'il habitait en dernier lieu dans la maison d'un monsieur Butcher a disparu avec cette maison. Je ne saurais décider par conséquent s'il était bien ou mal logé. La rue où elle s'élevait, Hungate Lane, est une espèce de venelle assez étroite qu'une façon de passage voûtée fait communiquer avec la place du New Market et qui rattrape ensuite la route de Bungay. L'air et l'espace devaient, j'imagine, y manquer un tant soit peu du temps de Chateaubriand comme de nos jours. Et, à ce point de vue tout au moins, il ne fut certainement pas sans regretter sa première installation. Prenons à droite, au sortir de King's Head, et dirigeons-nous vers la tour de Saint-Michel. Passé ce monument, nous avons sur notre gauche la grille du cimetière, devant nous l'ouverture de Saltgate Street, la rue de la Porte aux Selles. À l'angle de la rue et du cimetière, que borde un de ses pignons et le mur de son jardin, se dresse une grande maison bourgeoise, d'aspect cossu, à deux étages, coiffée d'un toit légèrement aplati. Wilton Ricks la désigne comme la maison du docteur Crowfoot, oncle et associé de celui dont nous avons déjà rencontré le nom. Ce qui nous importe à nous et qui nous touche, c'est qu'elle fut à un moment donné la maison de Chateaubriand. Il aurait pu difficilement, se semble, souhaiter un abri plus confortable. Elle reste aujourd'hui encore une des plus belles habitations de Beccles, avec son architecture trapue, ses hautes croisées et ses portes à frontons grecs, flanquées de colonnes ioniques. Joignez que, située au sommet du mamelon, où s'accroche la vieille ville, elle domine par derrière tout le cirque de la vallée, jusqu'à la courbe à peine estompée des collines occidentales, d'où émerge comme un phare le clocher de Bungay. C'était précisément de ce côté, paraît-il, que donnait la chambre de Chateaubriand. Examinons en passant les détails les plus typiques du paysage d'exil qu'il eut pendant plusieurs mois sous les yeux. Par-dessus la muraille du jardin, voici d'abord le vieux cimetière. Un jardin aussi d'une propreté toute anglaise, ombragé d'arbres antiques, avec des allées bien ratissées, circulant autour des pelouses d'herbes drues où blanchissent vaguement des tombes en forme de sarcophages, voire de cercueils. Il semblerait que ces voisinages funèbres eussent été dans le destin du jeune émigré. À Londres déjà, la lucarne de son grenier, dans New Road, s'ouvrait de même sur un cimetière. Il dut aimer celui de Beccles en comparaison. L'on gagerait du moins que c'est à lui qu'il pense dans le génie du christianisme quand il déplore le charme perdu de ces vieux cimetières d'autrefois auxquels des prairies, des champs, des eaux, des bois, une riante perspective marient leurs simples images. La vallée commence en effet tout de suite au bas du cimetière dont la terrasse en corniche la surplombe. En se penchant sur le parapet, on a au-dessous de soi le talus quasi perpendiculaire des anciennes fortifications. Puis la descente abrupte de la colline que prend en écharpe un étroit raidillon coupé d'une série d'escaliers aux rampes vermoulues et planté çà et là d'un pittoresque cottage de pêcheurs. Enfin, la rivière, la claire, rapide et silencieuse Wavener, que la marée enfle deux fois par jour d'une onde plus trouble, mais pour expirer presque aussitôt et se retirer tout aussi vite, n'ayant même pas effleuré les joncs de la berge, ni suspendu aux branches flottantes des saules le moindre bouquet d'algues ou de goémons. Les prés qu'elle arrose et qu'elle anime, noyés le matin d'une fine buée d'argent, ont l'air de s'étendre à perte de vue comme une savane, et le soir, au contraire, se rassemblent, se font proches, s'enchassent comme une sombre émeraude dans le cercle d'or des crêtes environnantes, incendiées par les feux du couchant. Je n'ai encore rien dit de l'église, dont la riche ornementation gothique s'accorde pourtant à merveille avec cet harmonieux coin de nature. Elle s'érige au milieu du cimetière, parmi les arbres, c'est un bel édifice du XIVe siècle. Le porche méridional est particulièrement remarquable. À son tympan est sculptée en haut relief une représentation de Saint Edmond, le patron religieux de l'Est Anglie. Mais les nombreuses niches du pourtour sont vides de leurs statues, brisées par le farouche iconoclaste William Dowsing qui visita Beccles en 1643. Quant à l'intérieur de la nef, il n'offre rien de saillant. Ce que le sacristain qui nous en fit les honneurs nous exhiba de plus intéressant fut l'acte de mariage du poète Crabbe, ainsi libellé, George Crabbe, clerc de cette paroisse, célibataire, et Sarah Elmy, de la même paroisse, également célibataire, ont été mariés dans cette église avec l'autorisation du chancelier ce 15e jour de décembre l'an 1783, par moi, Père House, vicaire. Crabbe était lui-même du Suffolk, dont il a décrit les mœurs provinciales dans ses vers, et Chateaubriand ne fut certainement pas sans entendre parler de l'auteur du village, dont la réputation était déjà consacrée. Connut-il son œuvre? J'en doute. Elle était peu faite pour répondre à ses goûts d'alors et de plus tard. Le jour où le nom de Crabbe viendra sous sa plume dans les études sur la littérature anglaise, il se contentera de le mentionner au passage parmi 20 autres en déclarant qu'il faut être né anglais pour apprécier tout le mérite d'un genre de composition qui se fait particulièrement sentir aux hommes du sol. C'est aussi dans l'église de Beccles, nous confia le sacristain d'un ton pénétré, que fut célébré le mariage du père et de la mère de Nelson. De Nelson, que Chateaubriand devait par la suite rencontrer à diverses reprises dans Hyde Park, tout resplendissant de la gloire d'Aboukir, mais qui, en 1795, en était encore à ses premières escarmouches contre la France. Et maintenant, après ce coup d'œil jeté sur le tableau qui l'embrassait de sa fenêtre, rentrons avec René dans sa demeure. Luxueuse, peut-être pas, mais combien différente à tout le moins du Galta de Londres où, l'hiver précédent, il a couché par terre sur un matelas, roulé dans une couverture, à laquelle il était obligé d'ajouter ses vêtements et parfois une chaise pour ne risquer point de mourir de froid. M, quelle est cette M, lui tenait, paraît-il, naguère ce langage. Quand un homme a la vie, l'habit, une chambre et du feu, les autres mots s'évanouissent. Il jouit ici de ce bonheur relatif. Il a un chez-soi, ou être à soi, seul, s'appartenir, satisfaire le besoin le plus impérieux de son tempérament, de ses mœurs, qui sont de la solitude et non des hommes. Aussi, dès qu'il a reconquis sa liberté, comme il en profite pour s'emprisonner jalousement, mystérieusement, à double tour. S'il sort, s'il s'aventure hors de sa retraite, ce n'est qu'à la tombée du crépuscule, lorsque la brune commence à confondre les objets, et, traversant en hâte les lieux fréquentés, il gagne à l'issue de la ville par le chemin boisé qui se détache à gauche de la route de Bungay, les hauteurs de Grange, désertes encore de son temps, où se construisent aujourd'hui les nouveaux quartiers de Beccles et qui portent l'église catholique sur une de leurs pentes, au sommet de cette éminence qui domine la ville et commande une vaste contrée, René s'assoit. Il contemple les feux qui brillent dans l'étendue de paysages obscurs, sous tous ces toits habités. Il voit éclater le réverbère à la porte d'un hôtel, peut-être le rectoré, dont les habitants, plongés dans les plaisirs, ignorent qu'il est un misérable, occupé seul à regarder de loin la lumière de leur fête, lui qui eut aussi des fêtes et des amis. Alors il ramène d'autant plus sympathiquement les yeux sur quelques petits rayons tremblants dans une pauvre maison écartée du faubourg. Une de ces masures d'artisans ou de pêcheurs, suspendues en contrebas des remparts, où le dur labeur se continue à la chandelle après la journée close, il se dit « Là, j'ai des frères ». L'idée qu'il a jusque dans cette bourgade étrangère et parmi ce peuple d'inconnus, des compagnons de malheur, des frères en infortune, si elle n'atténue point sa souffrance, l'élève du moins et l'ennoblit en la faisant communier avec la souffrance universelle. Il ne se sent plus aussi égaré, aussi perdu. Il reprend d'une âme plus stoïque, rassérénée même, le chemin de son logis pour y allumer, comme les autres déshérités, sa lampe de travail et se mettre, comme eux, à sa veillée de paria. Mais de paria promis à la gloire, derrière les murs de la maison Crowfoot, ou de la maison Butcher. À quoi la passe-t-il, cette veillée? C'est encore lui qui va nous le dire. Cependant, la nuit approche. Le bruit commence à cesser au dehors et le cœur palpite d'avance du plaisir qu'on s'est préparé. Un livre qu'on a eu bien de la peine à se procurer, un livre qu'on tire précieusement du lieu obscur où on le tenoie caché, va remplir ces heures de silence. Auprès d'un humble feu et d'une lumière vacillante, certains de n'être point entendus, on s'attendrit sur les mots imaginaires des Clarisse, des Clémentine, des Héloïse, des Cécilia. Les romans sont les livres des malheureux. Ils nous nourrissent d'illusions, il est vrai, mais en sont-ils plus remplis que la vie? Ces livres qu'il a cherchés si longtemps, faute d'avoir où les emprunter, et qui lui versent des émotions si consolantes, nous savons dans quelle bibliothèque il a fini par les découvrir pour la plupart. En voici un qui a dû lui avoir été glissé dans les mains par le recteur de Beckles sans qu'il ait eu besoin de le demander. Un livre vraiment utile aux misérables, parce qu'on y trouve la pitié, la tolérance, la douce indulgence, l'espérance plus douce encore, qui compose le seul baume des blessures de l'âme, ce sont les évangiles. Leur divin auteur ne s'arrête point à prêcher vainement les infortunés, il fait plus, il bénit leurs larmes et boit avec eux le calice jusqu'à la lie. L'essai ne parle que des évangiles, mais les Natchez donnent à entendre que René, chez les nations étrangères, ne borna pas au seul Nouveau Testament sa fréquentation des saintes écritures. Enfermé dans la prison de la Nouvelle-Orléans, l'époux de Celuta s'informe auprès de la geôlière si elle n'aurait pas quelques livres à lui prêter. Elle répondit qu'elle n'avoit que la Bible. Le prisonnier pria la geôlière de lui confier le livre saint. Le lendemain, on trouva aux marges de la Bible quelques mots à peine lisibles. Auprès du quatrième vers du septième chapitre de l'Ecclésiastique, on déchiffra ces mots, comme cela est vrai, « La tristesse du cœur est une plaie universelle. Dans le chagrin, toutes les parties du corps deviennent douloureuses. Les os meurtries ne trouvent plus de couches assez molles. Tout est triste pour le malheureux. Tout saigne comme son cœur. C'est une plaie universelle. » D'autres passages à toi commenter dans le même esprit. Ce premier verset du dixième chapitre de Job, « Mon âme est fatiguée de ma vie » et toi souligné. Ainsi, non content de feuilleter la Bible, il la commente, il la souligne. Il s'en fait des applications personnelles. C'est là une lecture qui ne tardera pas à fructifier en lui. Déjà, dans ses nuits de Beckles, s'élabore à son insu chez le sceptique d'aujourd'hui, le croyant qu'il redeviendra demain. Mais pour l'instant, c'est de l'essai sur les révolutions, et non du génie du christianisme, qui la cure. Lorsque, pour la première fois, je conçus le plan de ce livre, dit-il à la fin du premier volume, je revis les classiques qui m'introduisent en révolution de la Grèce. Durant la période d'exécution, qu'est-ce qu'il ne lit ou ne relit pas, et avec quelle fougue, avec quelle fièvre? Par moments, il vit si intensément sa lecture qu'il en est comme halluciné. Penché sur Tacite, il assiste au meurtre d'Agrippine. Maintenant retiré dans une chambre obscure, à peine éclairée d'une petite lampe, tout comme sa chambre à lui. Il voit l'impératrice tomber, faire un reproche touchant à la seule suivante qui lui reste et qui elle-même l'abandonne. Il observe l'anxiété augmentant à chaque minute sur le visage de cette malheureuse princesse qui, dans une vaste solitude, écoute attentivement le silence. Bientôt on entend le bruit sourd des assassins qui brisent les portes extérieures. Agrippine tressaille, s'assied sur son lit, prête l'oreille. Le bruit approche, la troupe entre, entoure la couche. Le centurion tire son épée et en frappe la reine aux tempes. Alors, Ventrem Ferri, s'écrie la mère de Néron. Mot dont la sublimité fait hocher la tête, s'empresse-t-il de déclarer en se ressaisissant. Il n'en a pas moins réalisé la scène dans toute sa beauté tragique, dans toute son horreur. Je me garderai d'ailleurs de prétendre qu'il ait assimilé la moitié, ni même le quart, des innombrables ouvrages cités en référence au bas des pages de l'essai. Mais je n'aurais pas non plus, comme Sainte-Beuve, l'injustice de lui en faire un grief. D'autant que, selon la remarque de Sainte-Beuve lui-même, il ne lit que prêt à écrire à son tour. Ses lectures lui servent en effet moins d'un aliment que d'un excitant. Provoqué, stimulé par elles, son génie s'éveille et part. Les idées abondent, les sentiments jaillissent. L'imagination lance de ces éclairs dont parle Sainte-Beuve, et qui sillonne la nuit, le poète a pris possession de l'émigré. Et si l'exilé de Beckles, le solitaire de la maison Crowfoot ou de la maison Butcher, se souvient encore de ces mots, c'est pour en exprimer une essence merveilleuse, un divin principe d'enchantement et d'oubli. Peut-être lorsque tout repose, entre 2 et 3 heures du matin, au murmure des vents et de la pluie qui battent contre vos fenêtres, écrivez-vous ce que vous savez des hommes. Non pas précisément ce qu'il sait des hommes, mais ce qu'il sait du seul homme qu'il connaisse et qui l'intéresse, ce qu'il sait de lui-même. Autour de lui, Beckles dort. Lui n'est plus à Beckles. Il est dans ses méditations, dans ses souvenirs, dans ses rêves. Il leur insuffle la vie, il leur donne la figure et la forme. Les heures les plus extravagantes ont beau teinter au carillon de la tour voisine, sa plume vole, ardente, infatigable. Il écrit. Que de fragments de l'œuvre future ont été composés là, dans cette petite ville quelconque de la plus provinciale des provinces anglaises, par les nuits tièdes ou glacées, orageuses ou sereines, des 18 ou 20 mois compris entre le printemps de 1794 et l'hiver de 1795. C'est là, par exemple, où je me trompe fort, que fut écrite cette traduction de l'élégie de Gray sur un cimetière de campagne, pour laquelle Chateaubriand n'avait pas seulement sous les yeux le texte du poète anglais, mais encore la réalité, autrement inspiratrice, des choses, le cimetière lui-même, avec ses arbres en deuil, son herbe mélancolique, et les générations inglorieuses de ses morts. Sur le fleuve du temps, passagers inconnus, quand il disait d'eux, dans une langue déjà lamartinienne, une pierre au passant demandant un soupir, du naufrage des ans a sauvé leur mémoire, une muse ignorante y grava leur histoire, et le texte sacré qui nous aide à mourir. Ils pouvaient presque, en s'accoudant à sa fenêtre, lire les épitaphes de leur tombe couchées à ses pieds. C'est là aussi, là ou à Bungay, que fut rédigée la lettre sur l'art du dessin dans les paysages, datée de 1795. L'entête la donne comme étant de Londres, mais une des phrases du début nous renseigne sur la véritable provenance. « Vous savez quels tristes soins m'appellent à d'autres études, » dit l'émigré de Beckles à son correspondant. « Nous savons, nous, qu'il faut corriger à des études que je fais, hélas, faire à d'autres. » Il ajoute 2 lignes plus bas. « Ces mêmes études m'ont fait abandonner cette grande vue du Canada qui me plaisoit par le souvenir de mes voyages. » Ne serait-ce pas plutôt qu'elles lui ont permis de la continuer, de la pousser, si par cette grande vue du Canada, nous devons entendre l'esquisse, ou si l'on veut, les cartons de la fresque immense, destinée à demeurer toujours incomplète, d'où il détachera plus tard Atala, René, les Natchez, le voyage en Amérique, une belle part du génie du christianisme, que sais-je, et dont il nous dit qu'au moment de son retour en France, 5 ans après, le manuscrit ne comptait pas moins de 2383 pages, in folio. Est-ce donc s'aventurer beaucoup d'affirmer que bon nombre de ces 2383 pages, et non des moins magistrales, ont été abattues à Beckles? Nous en avons la quasi-certitude, en tout cas, pour cette admirable nuit chez les sauvages de l'Amérique. Note, voir essai sur les révolutions. Conçu évidemment à l'origine pour prendre place dans la grande vue du Canada, et qui forme comme le final, magnifiquement orchestré, de l'essai. Nul doute que le morceau ne fut terminé, il fut même imprimé, probablement, dès le printemps de 1795, s'il est exact, comme le rapporte Sainte-Beuve, qu'à la date du 6 avril, l'auteur en faisait parvenir à Paris soit une copie, soit une épreuve, à l'adresse de Rederer, alors journaliste des plus actifs et des plus estimés. Quant à l'essai lui-même, je serais volontiers d'avis qu'il appartient presque tout entier à la période de Beckles. Je l'ai quelque peu montré, je crois, en reconstituant ci-dessus, avec des extraits empruntés à l'ouvrage, les épisodes les plus significatifs de la vie du jeune écrivain, à cette époque et dans cette région. Que ce n'est point là une reconstitution purement hypothétique, j'en ai pour garant son propre témoignage, puisque, en marge de ce chapitre, aux infortunés, d'où j'ai tiré la plupart de mes inductions, il a pris soin de noter dans l'exemplaire confidentiel « Ici, j'ai peint toute ma vie en Angleterre, habemus confitentem, et il ne dit pas « à Londres », il dit « en Angleterre ». Et la seule Angleterre où il ait vécu, ce qui s'appelle vécu, c'est, en dehors de Londres, le Suffolk, c'est-à-dire Beccles, Beccles et Bungay. Nous avons vu ce qu'il doit à Beccles, il nous reste à voir ce qu'il doit à Bungay. Fin de la première partie.